Leçon 4. Exercice 8. Voici le nom. Trouvez le verbe. Exemple. La conquête. Conquérir. À vous. La réussite. Réussir. La faim. Affamé. L'appel. Appeler. Le retour. Rentrer. L'occupation. Occuper.